بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 6 dans la lecture du tafsir de l'imam al-Sa'di, Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, rahimahullah. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous savez déjà que Cheikh Sa'di, c'est le Cheikh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. C'est un des Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen et un des élèves de Cheikh Sa'di. Donc, c'est un d'entre les grands ulama et comme j'ai mentionné dans plusieurs fois, yani dans le cours, j'ai mentionné à plusieurs reprises que une des particularités du Cheikh, c'est que il aimait beaucoup lire les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme la plupart des ulama d'Ahl-Sunnah yani, qui sont venus après le Cheikh ibn Taymiyyah. Ils aiment beaucoup les livres de Ibn Taymiyyah, mais le Cheikh al-Sa'di en particulier, il a pris beaucoup du style, même dans sa façon d'écrire, il a pris beaucoup du style de l'imam Ibn al-Qayyim et de l'imam de son cheikh Ibn Taymiyyah. Donc il résume beaucoup les choses et clarifie les choses en même temps avec des termes et des explications simples et claires, mais en même temps il y a quelque chose de très particulier dans son tafsir, c'est ça justement qu'il rentre dans les questions de Aqida et il les clarifie selon la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, la Aqida des Salaf. Et c'est vraiment bénéfique. Donc, j'aimerais revenir au verset qu'on a commencé à expliquer, ou bien qu'on a déjà terminé même d'expliquer, qui est le verset 22, ou non, 23. Non, le verset 23 dans Surat Az-Zumar, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allahu nazzala ahsan al-hadith » أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Donc ça c'est ce qu'on a expliqué à la fin du dernier cours et il y a une parole de l'imam Ibn Kathir qui est très bénéfique au sujet de ce verset que j'aimerais traduire en même temps, inshallah. Donc l'imam Ibn Kathir, et là je le lis du résumé de l'imam Cheikh Ahmed Shakir. Ahmed Shakir, il a un résumé, un muqtasar de Tafsir Ibn Kathir qui s'appelle Umdatu Tafsir. Et puisque Cheikh Mohammed Ibn Hadi Al-Madkhali a mentionné que ce tafsir était le meilleur muqtasar qui existait, selon ce qu'il a, yani d'après tous les résumés qu'il a trouvé de Ibn Kathir, il a trouvé que c'était le meilleur. Donc, j'ai décidé donc de m'y référer. Et effectivement, bon, il ressemble beaucoup à l'autre qu'on utilisait avant, mais il y a des avantages dans celui-là. Alhamdulillah. Donc, en particulier, j'aimerais lire l'explication du Cheikh lorsqu'il dit, lorsqu'il explique le verset 23, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, Allah a fait descendre le plus beau récit, le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Donc, c'est comme s'ils ont la chair de poule, hein. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. C'est cette partie-là en particulier que j'aimerais clarifier et lire les propos de l'imam Ibn Kathir ici, quand il parle de ce point-là dans le verset. Donc, il dit « وَقَوْلُهُ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف. Donc l'imam Ibn Kathir dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent, c'est-à-dire ils ont la chair de poule à l'entendre. Hein? Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Donc l'imam Ibn Kathir le dit, ça c'est la description des gens de la piété, des gens du bien. Lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, Al-Jabbar, celui qui est tout-puissant, Al-Muhaymin, celui qui est contraignant, qui est au-dessus de tout, Al-Aziz, yani, le tout-puissant, Al-Ghaffar, le pardonneur. Donc c'est des attributs et c'est des noms d'Allah que le cheikh mentionne. Donc, lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, Al-Jabbar, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Ghaffar, à cause du fait qu'ils ont compris de ces versets-là, qu'est-ce qu'ils contiennent comme menace, comme promesse, et comme parole qui inspire la crainte et qui donne la crainte aux croyants, et les différentes menaces de l'enfer pour ceux qui désobéissent à ses ordres, eh bien, les croyants, ils ont la chair de poule quand ils entendent ça. Et ça, c'est une des caractéristiques des mu'minines. Ils ont la chair de poule en entendant ce genre de choses. Puis, le cheikh, il mentionne ensuite, il dit, تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُهُمْ مِنَ الْخَشْيَةِ وَالْخَوْفِ. C'est-à-dire, leur peau, eh bien, ils ont comme des frissons, c'est comme s'ils ont des frissons, et leur peau ont des chairs de poule à ce moment-là en entendant ça. Ça, c'est la description des croyants. Ensuite, le cheikh continue où il mentionne la suite du verset « ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » ce qui signifie « puis ensuite, leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah ». Et ici, le cheikh, il dit à ce sujet-là « لِمَا يَرْجُونَ وَيُؤَمِّلُونَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلُطْفِهِ » فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه. Donc le cheikh il dit leur cœur s'apaise ainsi que leur peau. Il dit c'est par rapport à ce qu'ils espèrent, ce qu'ils ont comme espoir de la miséricorde d'Allah et de sa douceur. Donc ils sont en opposition avec ceux d'entre eux qui les contredisent parmi les kuffars sur plusieurs points de vue. Et là, le cheikh, l'imam Ibn Kathir, il mentionne des points de distinction et d'opposition entre les gens du Coran et les gens parmi les koufars qui, eux, au contraire, préfèrent plutôt la musique ou les choses de ce genre. La poésie, la musique, et on peut dire ça aujourd'hui de tout ce qui a rapport avec ces genres de distractions que les gens... Donc, comme je disais, l'imam Ibn Kathir a mentionné maintenant des différences, des oppositions qui existent entre les gens du Coran et les gens de la musique. Donc, les gens qui écoutent de la musique, les gens qui... Ils distinguent les koufars et les croyants parmi leur approche ou leur attitude vis-à-vis du Coran. Et donc le cheikh il mentionne, il dit « Ahaduha, anna sama'u ha'ula huwa tilawatu al-ayat, wa sama'u ula'ika nahamat li'abiyat, min aswat al-qaynat. » Naam. Donc le premier point que le cheikh il mentionne, c'est que ce que les croyants entendent, c'est la récitation des versets du Coran. Tandis que ceux-là, c'est-à-dire les autres, les koufars, eux, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est entendre les chansons et les vers de poésie qui sont récités avec des mélodies, des choses de ce genre, et avec les instruments de musique. Ensuite, le point numéro 2, le cheikh il dit comme distinction, الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة فهم وفهم وعلم. Donc le cheikh il dit que les croyants, lorsqu'on leur récite les versets de Ar-Rahman, c'est-à-dire les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils tombent prosternés en pleurant avec une bonne manière et avec de la crainte et avec l'espoir et l'amour. Donc, et aussi également avec de la compréhension et de la science. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans un autre verset, dans Sourate Al-Anfal, il dit كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Donc le cheikh mentionne donc ce verset là qui explique comment sont les croyants par rapport au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est les versets 2 et 3 dans Surat Al-Anfal qui signifient les croyants sont uniquement ceux dont, lorsqu'on mentionne le rappel d'Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui établissent la salat et qui donnent ou qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance, ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront des degrés auprès de leur Seigneur et un pardon et une noble subsistance. Donc ça c'est un exemple, et il mentionne également le verset 73 dans Sourate Al-Furqan dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Qui est le verset, comme on a dit, 73 dans Sourate Al-Furqan. Et c'est un verset dans lequel, si on regarde dans la traduction du verset 20, le verset qu'on a dit, c'est le verset 73, qui signifie « Et qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. » Ça, c'est un verset qui est intéressant aussi. Parce que quand ils entendent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne deviennent pas sourds ou aveugles d'un seul coup, tout à coup. Comme c'est le cas, par exemple, des fois pour certaines personnes, lorsqu'ils entendent des versets, tout d'un coup ils deviennent sourds et aveugles. Ils ne veulent pas les entendre. Et ils ne veulent pas les voir. Et puis, on peut retourner même au tafsir de ce verset-là, dans Surat Al-Furqan. Qu'est-ce que ça dit? نعم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم التي أمرهم باستماعها والاهتداء بها لم يخروا عليها صما وعميانا أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعلهم من لم يؤمن بها ولم يصدق وإنما حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها. Et non, donc le cheikh il explique que ceux lorsqu'ils sont rappelés des versets de leur Seigneur, yani les versets que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne d'écouter, et il leur ordonne de suivre sa guide, de prendre leur guidance de ces versets-là, ils ne deviennent pas subitement aveugles, sourds et aveugles. Et donc, ils ne les prennent pas dans il ne les accepte pas ou il ne les approche pas en s'en détournant ou en devenant sourd, en refusant de les écouter ou en détournant leur cœur de méditer sur leur signification et de les observer. Donc là, il y a le Jeep. Il y a une panne d'électricité, donc on est obligé d'attendre. On reprend, Inch'Allah, à partir de l'endroit où on s'était arrêté, avant la panne de courant, donc je suis désolé pour ça, c'est hors de notre contrôle, qaddar Allah ma sha'a fa'al. Donc, na'am. Donc, pour revenir là où on était, on expliquait le verset 73 dans Surat Al-Furqan, juste par rapport à celui que l'imam Ibn Kathir avait mentionné dans le tafsir, lorsqu'il explique le verset qu'on est en train d'expliquer, le verset 23. Donc, il dit, donc on disait que la personne, donc, elle se détourne pas. Elle se détourne pas de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Elle laisse son attention sur le verset et elle ne devient pas sourde et aveugle lorsque elle entend les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle y croit et elle n'agit pas comme le font les gens qui ne croient pas en ces versets. Et également, il dit « Wa inna mahaluhum fiha » عند سماعها كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Donc leur état lorsqu'ils entendent le Coran, c'est uniquement d'agir de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le verset. Ceux qui ont cru, ça c'est dans sourate Sajda, ceux qui ont cru en nos versets lorsqu'ils en sont rappelés, leur attitude, c'est uniquement de tomber prosterné en mentionnant les louanges de leur Seigneur et ils ne s'enflent pas d'orgueil. يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها. Donc ils l'acceptent, ces versets, ils les prennent avec acceptation et en sentant qu'ils ont un besoin, qu'ils sont indigents de ces versets-là. Et ils s'y soumettent entièrement et complètement. Il dit وتجدهم عند أذانها سامعة وتجد عندهم أذانا سامعة وقلوبا واعية فيزداد بها إيمانهم ويتم بها إيقانهم وتحدث لهم نشاطا ويفرحون بها سرورا واغتباطا. Donc, lorsqu'ils les entendent, ces versets-là, elles trouvent chez eux des oreilles qui sont attentives et qui écoutent, et des cœurs également qui sont attentifs et des cœurs qui acceptent et qui prennent qu'est-ce qui est mentionné. Et donc, leur foi augmente lorsqu'ils entendent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on voit que leur certitude et leur conviction augmentent également. Et ça les motive encore plus, ils deviennent encore plus motivés et ils se réjouissent et ils sont remplis de joie par ce qui est révélé et mentionné dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc à propos de ces versets. Donc pour continuer, qu'est-ce que l'imam Ibn Kathir mentionne au sujet donc des distinctions entre les croyants et les autres qui, lorsqu'ils entendent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'y prêtent pas attention et ils préfèrent donc l'écoute de la musique, l'écoute des distractions. Puis il dit également comme deuxième point, on avait expliqué je pense le deuxième point, parce qu'il est ok, on est rendu ici. Donc ensuite il mentionne un autre verset, il a mentionné ce verset là ensuite il dit أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها ولهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. Donc, lorsqu'ils entendent les versets d'Allah, ils ne se laissent pas distraire par autre chose, ils ne se laissent pas préoccuper par autre chose que ces versets-là. Et ils y portent l'oreille, ils y portent l'oreille et ils écoutent attentivement. Et ils comprennent ce qui leur est mentionné dans ces versets, et ils comprennent la signification de ces versets. Et c'est pour cette raison-là qu'ils les appliquent. Ils les appliquent et ils agissent selon ce qui est mentionné dans les versets, et ils se prosternent à l'entente de ces versets-là, et ils se prosternent avec science et avec connaissance, et non avec ignorance, ou uniquement en suivant les autres. Donc ça, c'est la deuxième différence qui existe entre les croyants et les non-croyants, par rapport au Coran et au rappel. Et le troisième point que l'imam Ibn Kathir mentionne, il dit « الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم. Donc le cheikh il dit que ils ont des bonnes manières, ils agissent d'une manière qui est bonne lorsqu'ils entendent le Coran, de la même manière que le faisaient les sahaba lorsqu'ils entendaient la parole d'Allah qui était récitée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Leur peau frémissait et ils avaient de la chair de poule à l'entente du Coran, puis leur cœur était apaisé par le rappel d'Allah et ils ne faisaient pas des cris et ils ne se forçaient pas à réagir d'une certaine façon lorsqu'ils les entendaient. Ils ne se forçaient pas à exagérer d'une façon qui contraire à ce qu'ils ressentent. Ils ne faisaient pas ce genre de réaction. Et il dit بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما يلحق ما لا يلحقهم أحد في ذلك. Donc il dit, et ils avaient à l'écoute du Coran une fermeté, une paix, une tranquillité, une bonne conduite et une crainte que personne ne peut égaler, dans laquelle personne ne peut les égaler ou arriver au même degré qu'eux. Et il dit وَلِهَذَا فَازُوا بِالْمَدْحِ مِنَ الرَّبِّ الْأَعْلَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et c'est pour cette raison qu'ils ont eu la réussite de la glorification de leur Seigneur, le Très-Haut, dans cette dunya et dans l'au-delà. Ensuite, il dit قَالَ مَعْمَرْ تَلَى قَتَادَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَعُونَ رَبَّهُمْ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله قال هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم وإنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. Donc, Ma'mar, il a mentionné que Qatada a récité le verset Taqsha'iru minhu, donc les peaux leurs peaux frémissent lorsqu'ils entendent, la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frémit lorsqu'ils entendent les versets d'Allah. Taqsha'iru minhu juludu الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم, puis leur peau et leur cœur s'apaisent à la mention d'Allah ou au rappel d'Allah. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici, donc Qatada après avoir mentionné ce verset-là, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il décrit ses serviteurs rapprochés, les awliya d'Allah. Et il décrit comment leur peau frémisse et comment ils ont la chair de poule. Et comment leurs yeux pleurent, hein, comme leurs yeux pleurent. Et comment leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. Et il ne les a pas décrits en mentionnant qu'ils perdent la raison ou ils tombent sans connaissance ou bien des choses de ce genre. Comme on l'entend chez les gens de Bid'a. Et il dit que ça, ça vient plutôt du shaitan. Hein, comme par exemple, qu'est-ce qu'on entend de la part des soufis, qu'ils disent que lorsqu'ils entendent le Coran, ils commencent à perdre la raison, puis ils perdent connaissance, ils tombent, ou bien ils crient, ou des choses comme ça. Donc le cheikh dit ça, c'est l'imam, le Qatada, un des tabi'in, il dit ça, c'est uniquement chez les gens de la bid'a, et ça vient du shaitan. Et il dit également, l'imam Ibn Kathir, il dit, وقال السدي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي إلى وعد الله. Donc ensuite, la suite du السدي, il dit à propos de la suite du verset, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah, il dit, c'est-à-dire à la promesse d'Allah, à la promesse d'Allah. Lorsqu'ils entendent la promesse d'Allah, leur cœur s'apaise. Puis ensuite, il mentionne وَذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أي, donc il dit voici la guidance d'Allah par laquelle il guide qui il veut de ses serviteurs. Non, ici je pense que il dit de ses serviteurs, mais je pense que dans le verset en question, il n'y a pas la mention de min ibadihi. Dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Donc ça c'est probablement un ajout ici, ou bien non, c'est ça, parce que dans le verset il n'y a pas min ibadihi. Bon. Après, il dit, donc il explique ça en disant, فَهَدِي صِفَةُ مَنْ هَدَى اللَّهِ مَنْ هَدَاهُ اللَّهِ. Donc ça, c'est la description, qu'est-ce qu'on a mentionné dans le verset 23, c'est la description de ceux que Allah a guidés. C'est comme ça qu'ils sont. Donc si on n'a pas ces caractéristiques-là, il faut travailler sur notre foi, il faut travailler sur notre iman, hein, en faisant des bonnes œuvres et en s'écartant de ce que Allah a interdit et en faisant plus de récitation du Coran et en réfléchissant sur ses significations et en essayant de comprendre ces significations-là, si on a de la difficulté à comprendre en lisant le tafsir, hein, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est des exemples de description des gens qui ont été guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَمَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ مِمَّنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Donc celui qui est autre que celui qui est autre, hein, qui est différent, qui ne respecte pas la description que Allah a donnée ici, de celui qui a cette description-là, donc celui qui n'entre pas dans cette description, il fait partie, hein, de ceux que Allah a égarés. Celui qui est contraire à cette description, il fait partie de ceux que Allah a égarés. Et celui que Allah égare, il n'y a pas de guide pour lui. Donc ça, c'est pour dire que celui qui n'a pas ces descriptions-là ou qui est contraire à ces descriptions-là, il doit chercher à corriger cette situation-là. Donc on revient maintenant au tafsir de l'imam Sa'di maintenant, et on va lire donc la suite du tafsir des autres versets qui suivent. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc, on va lire la suite des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit نعم. أفمن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين Donc on va essayer de lire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans cette partie, dans ces parties, dans ces versets, dans le tafsir de Cheikh Sa'di. Qu'est-ce que le Cheikh Sa'di a expliqué à ce sujet-là? Donc il dit ici, à partir du verset 24 à 26, ce qui signifie, verset 24, est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, sera protégé, est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, se sera protégé le visage contre le pire châtiment, et l'on dira aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Donc, je relis parce que j'ai mal lu la première fois. Est-ce que celui qui, au jour de la résurrection, se sera protégé le visage contre le pire châtiment, et l'on dira aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Donc, ici, le cheikh, il explique. Il dit, أَفَيَسْتَوِي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصل لدار كرامته ومن كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم اليوم القيامة فجاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاء وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه فهو يتقي فيه سوء العذاب لأنه قد غلت يداه ورجلاه وقيل للظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي توبيخا وتقريعا ذوقوا ما كنتم تكسبون et l'on dira aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Donc le cheikh, il explique ici, il dit, est-ce qu'on peut comparer ces deux catégories, celui que Allah a guidé et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le succès de suivre le droit chemin qui ramène à la demeure de sa générosité et de sa noblesse, ou celui qui, est-ce qu'on peut comparer celui-là avec celui qui est dans l'égarement et qui persiste dans son opposition et dans sa transgression et dans son rejet de la vérité jusqu'à ce qu'il arrive au jour de la résurrection. Et puis, on lui amène le grand châtiment. Il dit le cheikh, فَجَعَلَ يَتَّقِي بِوَجِهِ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْأَعْضَى وَأَدْنَى شَيْءٍ مِنَ الْعَذَابِ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ سُوءَ الْعَذَابِ فَإِنَّهُ قَدْ غُلَّتْ يَدَاهُ. Donc il dit, il essaie de se protéger du châtiment par son visage, qui est le plus noble des membres du corps. Le visage, c'est l'endroit le plus noble. Et c'est la chose la plus proche qui est affectée par le châtiment. Et donc, il essaie de se protéger du châtiment, ou du mal de ce châtiment, par son visage, parce que ses deux mains sont attachées, et ses deux pieds sont attachés. Et on dit aux injustes, goûtez à ce que vous avez acquis. Donc, il essaie de se protéger par son visage, parce qu'il est attaché par les mains et par les pieds. Il peut pas se protéger le visage par ses mains. Et il dit ensuite, وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Et on dit aux injustes, on dit à eux-mêmes, à cause de leur mécréance, de leur péché, et on les blâme, on les blâme de cette façon-là, en leur disant, goûtez à ce que vous avez acquis. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Le verset suivant. Ceux qui ont vécu avant eux ont démenti les messagers. Le châtiment leur est venu par où ils ne le pressentaient pas. Et le cheikh il explique à ce sujet-là, il dit كذب الذين من قبلهم من الأمم كما كذب هؤلاء فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون جاءهم في غفلة أول نهار أو هم قائلون. C'est-à-dire que ceux qui ont démenti avant eux, parmi les différentes nations qui ont traité les prophètes de menteurs, eh bien ceux-là, leur châtiment leur est venu de là où ils ne le pressentaient pas, c'est-à-dire il leur est venu dans un moment d'insouciance, soit au début du jour ou alors qu'ils étaient en train de faire la sieste, lorsqu'ils étaient en train de se reposer. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. الشيخ يقول فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي في الحياة الدنيا فافتضحوا عند الله وعند خلقه ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب فيصيبهم ما أصاب أولئك من التعذيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie dans la suite, Allah leur a fait goûter l'ignominie dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà cependant est plus grand, si seulement ils savaient. Si seulement ils savaient. Donc, le cheikh Sa'di, il explique ça, il dit que Allah leur a fait goûter, à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de leur rejet de la vérité, il leur a fait goûter le châtiment de l'ignominie, de l'humiliation dans la vie d'ici-bas, la vie de la dunya, al-khizi. Ils ont été punis dans cette vie d'ici-bas. Et ils ont donc été démasqués et dévoilés auprès de leur Seigneur et auprès de la créature. Ils ont été dévoilés devant Allah et devant la créature. Wala adabul akhirati akbar. Et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore. Laukanu ya'lamun. Laukanu ya'lamun, si seulement ils savaient. Donc, que ces gens-là prennent garde, qu'ils prennent garde de ce jour où ils devront se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala avec leur déni et leur rejet de la vérité. Et après avoir traité de mensonges et de menteurs la prophétie et les messagers. ils seront frappés hein, par ce qu'ils ont mérité comme châtiment. Ils auront le châtiment qu'ils méritent ce jour-là. Donc, ça, c'est des rappels que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait pour les nations qui ont rejeté la foi en les messagers et la foi en les prophètes, qui ont renié leurs prophètes et qui les ont traités de menteurs et qui ont rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala les prenne par un châtiment alors qu'ils ne s'en attendent pas. Et donc, regardez qu'est-ce qui se passe à chaque fois des différents désastres qui se produisent. Et Allah subhanahu wa ta'ala châtie de cette façon-là les peuples, hein, les différents peuples. Donc les gens, ils ne réalisent pas en fait, hein, des fois souvent c'est ce qui arrive à notre époque, à cause de la mécréance des gens qui est tellement profonde parfois, lorsqu'ils ont rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils essaient d'interpréter tout par la nature ou par des phénomènes ou des catastrophes naturelles, comme ils disent, ils oublient, hein, ou bien ils refusent d'accepter que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné et qui contrôle tout dans l'univers, qui a tout prédestiné. Et donc, c'est lui qui punit par ces différents moyens-là ses serviteurs lorsqu'ils désobéissent ou lorsqu'ils refusent de croire en lui ou lorsqu'ils s'éloignent de la vérité. Eh bien, ça, c'est des signes pour faire réfléchir les croyants. Et l'autre jour, justement, par rapport à un exemple qui a rapport à ça, je regardais un reportage sur le tsunami qu'il y a eu au Japon il n'y a pas longtemps, et comment des villages totaux, toutes des villes au complet, des villages au complet ont totalement été détruits et rasés. Des maisons qui ont été complètement détruites par le courant de l'eau et du jour au lendemain comme ça. Donc c'est pour dire que il faut pas que les gens se sentent à l'abri, hein, en sécurité d'un châtiment lorsqu'ils vivent dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les versets 28 à 31. Le cheikh explique ensuite, il dit, il mentionne les paroles d'Allah, où Allah dit: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Donc les versets en question, ça commence ici par ce qu'Allah dit dans la traduction de la signification. Le verset 28, un Coran en langue arabe dénué de tortuosité afin qu'il soit pieux. Le cheikh, il dit à ce sujet-là, يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك وكل مثل يقرب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك لعلهم يتذكرون عندما نوضح لهم الحق فيعملون ويعلمون فيعلمون ويعملون. Donc le cheikh Al-Sa'di explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce Coran toutes sortes d'exemples et de paraboles, hein, des exemples et des paraboles dans lesquels il y a les meilleures leçons. Il compare, par exemple, il donne des paraboles et des exemples par rapport aux gens du mal et qu'est-ce qui leur arrive, et les gens du bien. Et il nous donne des comparaisons et des exemples par rapport au tawhid et par rapport au shirk. Et il nous donne tous ces exemples-là pour nous rapprocher des réalités des choses et pour nous faire comprendre la sagesse. Et la sagesse dans ça, c'est le fait, la sagesse dans le, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ces exemples-là et ces paraboles, c'est pour qu'on puisse se souvenir, pour qu'on puisse se rappeler et pour que la vérité nous soit clarifiée, pour qu'on puisse la connaître et pour qu'on puisse agir selon ce qui est mentionné dans ces versets-là. Et le verset donc 28, Qur'an arabiyan ghayra dhi 'iwajin. C'est ça le verset 27 que j'avais sauté, la traduction en français. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Et le verset 28, un Coran en langue arabe dénué de toute tortuosité, hein, de toute difficulté, de toute complication, afin qu'il soit pieux. Donc le verset 28, le cheikh il dit Coran arabiyan. غير ذي عوج أي جعلناه قرآنا عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصا على العرب غير ذي عوج أي ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه لا في ألفاظه ولا في معانيه وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. نعم. Donc le cheikh il dit que c'est un Coran qui est, il explique le verset 28 qui dit que le Coran c'est un Coran qui est arabe, un Coran en langue arabe. Donc il dit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous l'avons fait un Coran en arabe dont les termes sont clairs et dont la signification est simple et facile à comprendre, en particulier pour les Arabes. غَيْرَ ذِي عِوَجٍ, c'est-à-dire qui ne contient pas de tortuosité ou de difficulté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun défaut dedans, aucune imperfection, peu importe sur quel point de vue. Il n'y a aucun défaut, aucune imperfection, ni dans ses mots, ni dans sa signification, ni dans ses lettres. Et ça implique qu'il est parfaitement équilibré et balancé et droit dans sa droiture. Naam. Donc c'est un Coran arabe, et ça c'est une réponse à ceux qui parfois essaient de faire le tafsir du Coran en se basant sur la signification de la traduction. Et la traduction, c'est pas la même chose que le Coran. Et donc, si tu te bases sur sur la traduction pour essayer d'interpréter le Coran, tu te trompes, tu fais une erreur. Parce que la traduction, c'est la traduction d'une interprétation déjà. Donc, si tu te bases sur l'interprétation, et la traduction de cette interprétation-là, pour l'interpréter encore, tu risques de faire des erreurs. C'est pour ça qu'il faut retourner à l'origine, au Coran qui est en arabe, puisque c'est le Coran puisque c'est en arabe qu'il est, le Coran à l'origine et à la base. Hein? Et la traduction du Coran, ce n'est pas le Coran. La traduction du Coran, c'est la traduction de l'interprétation du Coran. Hein? La traduction de la signification d'une interprétation du Coran. C'est comme si on prenait le tafsir puis on le traduisait dans une langue. D'accord? On ne traduit pas toutes les interprétations possibles d'un verset. On traduit uniquement une interprétation possible, et c'est pour ça que parfois un verset il est traduit d'une façon, alors que lorsqu'on lit le tafsir de ce verset-là, eh bien on réalise qu'il y a beaucoup d'autres interprétations possibles qui ont un sens qui est correct et qui est bon et qui est vrai et qui fait en sorte qu'on peut en tirer beaucoup plus de profit que uniquement dans une seule interprétation. Hein? Et sans parler des différentes récitations parfois qui rajoutent à la signification et qui clarifient parfois la signification du verset. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention. Des fois, il y a des gens qui se sont basés sur des traductions du Coran pour essayer de faire des interprétations ou pour essayer de faire des verdicts et qui ont mal compris, justement, certains termes ou certains versets. Et je me rappelle d'un exemple que quelqu'un m'avait mentionné une fois dans une traduction en anglais. Il avait traduit, il avait utilisé la traduction d'un terme par rapport aux herbes pour essayer de rendre halal, par exemple, certaines herbes qui sont utilisées comme drogue, des choses comme ça. Il disait ça, c'est la preuve que c'est permis parce que le terme est utilisé dans le Coran. Donc lui, il se base sur la traduction qui était en anglais et il ne retourne pas à la signification du terme en arabe, il ne retourne pas au tafsir de ce Coran en arabe pour comprendre de quoi il s'agissait réellement. Donc il s'est trompé à cause de ça. Donc c'est pour dire que le Coran c'est en arabe. Et même les récompenses de la récitation du Coran pour les lettres, c'est pas la lecture de la traduction, c'est la lecture du texte en arabe. Et donc on encourage en même temps les musulmans qui n'ont pas encore appris l'arabe à apprendre l'arabe pour être capable de le lire correctement et pour avoir les récompenses donc de la lecture de ces lettres. Et aussi, bien entendu, de pouvoir le lire en arabe, celui qui a de la difficulté à le lire, eh bien, il a le double de la récompense de celui qui le lit avec facilité. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui a de la difficulté à lire le Coran, hein, eh bien, il a le double de la récompense de celui qui le lit avec facilité. Donc ça, c'est pour, en même temps, ça devrait nous encourager. Si quelqu'un a de la difficulté, ça l'encourage à réciter, même s'il a de la difficulté. Ensuite, il dit, Qur'an arabiyan ghayra dhi 'iwajin. Donc ça, on l'a expliqué. Ensuite, il mentionne un autre verset, qui mentionne justement le même sens que ce qui est mentionné dans ce verset-là. Il lit le verset 1 dans Surat Al-Kahf, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et il n'y a point introduit de tortuosité, c'est-à-dire d'ambiguïté. Un livre d'une droiture parfaite. Qayyiman. Donc, ça vient confirmer ce qui est mentionné dans ce verset-là. Il dit لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون أي لعلهم يتقون الله تعالى حيث سهلنا عليهم طرق التقوى حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية بهذا القرآن العربي المستقيم الذي ضرب الله فيه من كل مثل. C'est-à-dire pour qu'ils puissent avoir la taqwa, yani la taqwa d'Allah, c'est-à-dire la piété, pour qu'ils puissent craindre Allah, faire ce que Allah ordonne et s'écarter de ce que Allah a interdit, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les voies de la piété sur le plan de la connaissance et de la science, et sur le plan de la pratique également, et de l'application. Et c'est ainsi donc que c'est par ce Coran arabe qui est droit, qu'on arrive à atteindre cette piété-là. Et c'est le livre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a donné toutes sortes de paraboles et d'exemples. Et parmi ces exemples, c'est l'exemple de ce qui vient dans le verset 29, qui vient à la suite. Cheikh, il explique le verset 29, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Allah a cité comme parabole un homme appartenant à des associés, se querellant à son sujet, et un autre homme appartenant à un seul homme. Et un autre homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Non. Donc, c'est comme une parabole qui est donnée ici. Et le Cheikh Sa'di, il dit, ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد. فقال, ضرب الله مثلا رجلا, أي عبدا, فيه شركاء متشاكسون. يعني فهم كثيرون وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن حتى تمكن راحته بل هم متشاكسون متنازعون فيه كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد الآخر غيره فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين الشيخ يدن الإكزامبل il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple ici pour nous parler en fait du shirk et du tawhid. C'est pour nous comparer l'état du shirk et de celui qui est sur le tawhid. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il donne hein, une parabole. Il cite comme une parabole. Yani l'exemple d'un homme, un esclave. Hein, l'exemple d'un esclave. Et cet esclave il appartient à plusieurs hommes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs associés qui sont partenaires dans la propriété de cet esclave. C'est-à-dire qu'ils sont tous partenaires et ils se partagent cet esclave. Hein? Donc, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils sont nombreux, ils ont cet esclave-là et ils ne sont pas d'accord entre eux, sur aucune chose et sur aucun état. Et donc, c'est pas possible dans ce cas-là que cet esclave-là soit en repos. Ils se disputent entre eux, qu'est-ce que l'esclave doit faire? Et chacun veut que l'esclave fasse quelque chose alors que l'autre veut que l'esclave fasse quelque chose d'autre à ce moment-là. Alors, le cheikh il dit, alors que pensez-vous que sera l'état de cet esclave avec ses partenaires qui le possèdent hein, et qui se disputent à son sujet. Et il donne l'exemple d'un autre homme. Il dit, un autre esclave. « وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلُ أي خَالِصًا لَهُ قَدْ عَرَفَ مَقْصُودَ سَيِّدِهِ وحصلت له الراحة التامة هل يستويان مثلا أي هذان الرجلان مثلا لا يستويان donc il dit et un homme qui appartient à un seul homme, un autre esclave qui appartient uniquement à un maître il a seulement un seul maître il n'y a pas des maîtres qui le partagent il a un seul maître et il connaît entièrement ce que ce maître-là veut de lui. Alors, il est en repos complet. Hein? Il a un repos complet, c'est-à-dire que il arrive à se reposer. Hein? Est-ce que ces deux exemples-là sont comparables? Est-ce qu'ils sont égaux? Hein? Est-ce que ces deux esclaves-là sont comparables? Et le cheikh, il répond, il dit non, ils ne sont pas égaux. Et là, maintenant, il va faire la comparaison avec le mushrik. Hein, et celui qui est sur le tawhid par rapport à cet exemple. Il dit كذلك المشرك فيه شركاء متشاكسون يدعو هذا ثم يدعو هذا فتراه لا يستقر له قرار ولا يطمئن قلبه موضع والموحد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة لغيره فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة. Donc, le cheikh il dit, c'est la même chose pour le mouchrik. Hein? Il a des partenaires, il a des partenaires, beaucoup de partenaires et de maîtres. Il invoque celui-ci, puis ensuite il invoque celui-là. Et donc tu le vois, il n'est jamais installé, il n'est jamais ferme sur une chose, il n'est jamais stable sur une chose. Hein? Il est toujours instable. Et son cœur n'est jamais en tranquillité et en paix. Hein? Tandis que celui qui est sur le tawhid et qui est sincère pour son Seigneur, hein, Allah subhanahu wa ta'ala l'a libéré de tout autre partenaire autre que lui-même. Il n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala et par conséquent, il est dans un repos complet et dans une tranquillité totale. Est parfaite. Hein? Parce qu'il n'a que Allah à servir. Il n'a pas 10 maîtres ou plus. Hein? Ensuite, نعم الشيخ المنسون لسويد الفرسان فهل يستويان مثلا الحمد لله على تبيين الحق من الباطل وإرشاد الجهال بل أكثرهم لا يعلمون. Donc le cheikh dit, est-ce que donc ils sont égaux ceux-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont comparables, hein? Sont-ils égaux? Un exemple, Alhamdulillah, louange à Allah, hein? Louange à Allah d'avoir clarifié la vérité de ce qui est faux et d'avoir orienté les gens qui sont dans l'ignorance, les ignorants. Bal aktharuhum la ya'lamun. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. La plupart d'entre eux ne savent pas. Le verset ensuite, verset 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ay kullukum la budda an yamut. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. Donc le verset 30 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, en vérité tu mourras et ils mourront eux aussi, hein? C'est-à-dire vous allez tous mourir et ça c'est, vous n'avez pas le choix. Et il mentionne un autre verset. Le cheikh il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons jamais donné à un homme la vie, une vie sans fin, c'est-à-dire que nous n'avons jamais fait un homme vivre éternellement. Est-ce que si toi tu meurs, est-ce que eux ils vont rester éternellement, hein? Est-ce qu'ils vont être en vie pour l'éternité? Non. Tu vas mourir, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il va mourir, et puis, eux ensuite, ils vont mourir aussi. Et ici, il dit, l'imam ibn Kathir, il dit à ce sujet-là, « قَوْلُهُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ هَذِهِ الْآيَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي إِسْتَشْهَدَ بِهَا الصِّدِّيقِ عِنْدَ مَوْتِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حتى تحقق الناس موته مع قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Donc le cheikh il mentionne, l'imam ibn Kathir il dit que ce verset fait partie des versets que Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu avait mentionné lors de la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam pour faire comprendre aux gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était réellement mort, hein? Avec également le verset 144 dans surat Al-Imran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Muhammad n'est qu'un messager, il y a eu avant lui beaucoup de messagers également. Est-ce que s'il meurt ou s'il est tué, vous allez retourner sur vos pas, hein? Et celui qui retourne sur ses talons, hein? Est-ce que vous allez retourner sur vos talons? Et celui qui retourne sur ses talons, Allah, il ne fait nullement tort à Allah, hein? Il ne fait aucun tort à Allah, et Allah va certes récompenser les gens qui sont reconnaissants. Et l'imam Ibn Kathir il dit, wa ma'na hadhihi al-aya, ستنقلون من هذه الدار لا محالة وستجمعون عند الله في الدار الآخرة وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. Donc le cheikh il explique que la signification de ce verset là c'est que vous allez quitter cette vie d'ici bas et ça c'est certain. Il y a pas d'autre possibilité pour vous, hein? Et vous pouvez pas vous en échapper. Et vous allez être réunis devant Allah dans la demeure de l'au-delà et vous allez disputer auprès de lui, hein, vous allez yani, disputer auprès de lui ce que vous aviez comme désaccord dans la vie d'ici-bas au sujet du tawhid et du shirk. Et il va juger entre vous. Et il va juger par la vérité. Hein, et il va donner la victoire à la vérité. Et il est Al-Fattah Al-Alim. C'est parmi ses noms. Et il va sauver les croyants qui sont purs et sincères dans leur foi et dans leur tawhid, ceux qui sont sur le tawhid pur. Et il va châtier les mécréants, les négateurs, les associateurs, les mushrikines, et les négateurs, ceux qui traitent de mensonges, hein, ceux qui traitent de mensonges la vérité. Il dit, « ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل المنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. » Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Kathir il dit que ce verset, même si son contexte parle des croyants et des mécréants et qu'ils vont disputer ce qu'ils disputaient entre eux dans l'au-delà, hein, ils vont répéter leur dispute dans l'au-delà, au jour de la résurrection, ça comprend en même temps également toute personne qui dans la dunya disputait quelque chose en particulier. Et peu importe la chose. Et on va, cette dispute va se reproduire dans l'au-delà. Et il rapporte à ce sujet-là des exemples de hadiths et de paroles qui ont été rapportées sur la question. Qu'est-ce qui a été rapporté selon Az-Zubayr lorsqu'il dit « قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » C'est-à-dire, puis vous allez disputer. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Il a dit, قال الزبير, يا رسول الله, أتكرر علينا الخصومة؟ قال نعم. قال إن الأمر إذن لشديد. وكذا رواه الإمام أحمد. C'est-à-dire, الزبير, il a dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, est-ce qu'on va nous faire répéter la dispute? Il a dit oui. Et Az-Zubayr, le prophète Sansam a dit oui. Alors, Az-Zubayr a dit, dans ce cas-là, l'affaire est sérieuse. Hein, l'affaire est grave. C'est rapporté par l'imam Ahmad. Et l'imam Ahmad Shakir, il mentionne que c'est une isnad qui est authentique. Il dit, il mentionne également d'autres narrations à ce sujet-là. وقال الزبير اي رسول ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم قال الزبير اي رسول الله اي نعم اي نعيم اي نعيم نسال عنه وانما يعني هما الاسودان التمر والماء قال اما ذلك سيكون اما ان ذلك سيكون. Le verset 8 dans Surat al-Takathur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que vous allez certes être questionné au jour de, à ce jour-là, au jour de la résurrection, au sujet des délices, hein, des grâces que vous avez reçues. Et Az-Zubayr a posé la question au messager d'Allah, hein, à propos de quelles délices est-ce qu'on va être questionné? Et il a dit, est-ce que c'est à propos des deux nourritures, comme des deux choses qu'on a, comme al-aswadan, il les appelle, l'eau et les dattes. Et il a dit oui, cela va être, subhanallah, si on va être questionné pour l'eau et les dattes, imaginez pour tout le reste, qu'est-ce qu'on mange, hein, subhanallah. Et il mentionne également d'autres exemples. Il dit par exemple, qu'est-ce qui est rapporté ici par At-Tirmidhi, il dit, non, par l'imam Ahmad, il dit, عن الزبير بن العوام قال لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنكم ميتون ثم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا من خواص الذنوب مع خواص الذنوب؟ قال نعم لا يكرر عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير والله إن الأمر لشديد. Donc, yani, il dit par rapport à, yani, à Zubair ibn al-Awam, il dit lorsque ce verset-là a été révélé sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yani, tu vas certes mourir et ils vont mourir également, puis au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Zubair a dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on va nous répéter entre nous les, yani, ce qu'on avait comme yani, dispute entre nous et comme péché et des choses de ce genre? Et il a dit oui, ça va tout être répété contre vous. Et donc il a dit jusqu'à ce que chacun qui avait un droit, yani, on lui remette le droit qu'il avait, hein, qu'il méritait. Celui qui possédait un droit quelconque et qu'on l'a privé de ce droit-là, eh bien, jusqu'à ce qu'il soit rendu. Et donc, Az-Zubayr a dit, Wallahi, dans ce cas-là, c'est quelque chose de sévère et de grave. Hein? Non. Et il y a une autre narration qui est rapportée par l'imam Ahmed selon Uqba ibn Amir. Il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الخصمين يوم القيامة جاران. Ça s'est rapporté par l'imam Ahmed. Et il dit Rawahu Ahmed bi isnadin hasan. Et le précédent, c'était Ahmed Shakir a dit que c'était Sahih. Celui-là, c'est Al-Haythami. Il dit que c'est rapporté par Ahmed avec une chaîne authentique. Et il dit que ça signifie quoi? Il mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les premières personnes qui vont se disputer au jour de la résurrection, qui vont disputer leur dispute ou leur désaccord ou leur conflit, ce sera deux voisins. Ce sera deux voisins. Subhanallah. Naam. Donc, Cheikh dit, « Wa qala ibn Abbas, innakum, thumma innakum yawma al-qiyamati inda rabbikum takhtasimoun » il dit يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبر. قال أبو العالية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يعني أهل القبلة أهل القبلة. قال ابن زيد يعني أهل الإسلام أهل الكفر. وقد قدمنا أن الصحيح العموم والله أعلم. Donc ici il dit que Ibn Abbas a dit, puis ensuite au jour de la résurrection vous vous disputerez auprès de votre Seigneur, c'est-à-dire que le véridique va disputer le menteur et l'opprimé va disputer l'oppresseur et le guidé va disputer l'égaré et le faible va disputer le fort et l'orgueilleux. Et Abu al-Aliya a dit, puis au jour de la résurrection, vous disputerez auprès de votre Seigneur, c'est-à-dire les gens de la Qibla. Et Ibn Zayd a dit, c'est-à-dire les gens de l'islam et les gens du Kufr. Et l'imam Ibn Kathir, il dit que, qu'est-ce qui est plus correct par rapport à cette signification-là, c'est que c'est général. C'est général. Naam, donc... ça c'est par rapport à ce que dit ici l'imam Ibn Kathir. Et pour terminer avec qu'est-ce que dit ensuite l'imam Sa'di, ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون, il dit فيما تنازعتم فيه فيفصل بينكم بحكمه العادل ويجازي كلا ما عمله أحصاه الله ونسوه. Donc il dit, pour expliquer la suite du verset, puis au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur au sujet des choses dans lesquelles vous aviez des désaccords. Et Allah va juger entre vous par sa justice, par son jugement qui est juste, et il va récompenser chacun et rétribuer celui qui mérite d'être récompensé, il va être récompensé, celui qui mérite d'être puni sera puni selon ce qu'il a fait. Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ahsahu Allahu wa nasuhu dans sourate Al-Mujadala, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a noté et l'a enregistré à leur sujet, tandis que eux l'ont oublié. Ahsahu Allahu wa nasuhu. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on peut mentionner comme explication par rapport à ces versets-là dans les paroles de l'imam Sa'di et les paroles de l'imam Ibn Kathir. Donc on va s'arrêter pour quelques instants, Inch'Allah. Donc ici c'est la prière de Asr, on va s'arrêter, puis on va reprendre, disons dans 30 minutes, Inch'Allah, on va reprendre, faire la suite du tafsir, Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais laisser la salle ouverte quand même si je ne vais pas être là. Je vais laisser la salle ouverte en attendant et puis on reprendra tout à l'heure quand je vais revenir. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.